Alors, bien aimé, nous sommes transportés aujourd'hui dans les tout premiers temps de la prédication de Jésus, dans le tout premier temps de son ministère public. Vous vous souvenez, Jésus a été baptisé, il est parti au désert, il a resté 40 jours au désert, ensuite il est sorti du désert, a commencé à prêcher, il a été reçu par beaucoup, et puis beaucoup ont été sceptiques devant son enseignement. Et puis il a commencé à faire des miracles et des miracles et des miracles, et des signes et des prodiges. Et la plupart, se posent beaucoup de questions sur ce Jésus. Et notamment les Juifs, les pharisiens, qui sont très inquiets devant le pouvoir de cet homme. Mais parmi eux, il y a ce fameux Nicodème, vous savez, pharisien, qui, tout pharisien qu'il est, cherche sincèrement la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur les réalités célestes, la vérité sur l'homme, et puis forcément la vérité sur ce Jésus qui semble faire le pont entre le ciel et la terre. Voyez, Jésus dit, je vous parle des choses de la terre, je vous parlerai aussi des choses du ciel. Alors Jésus est là, il est sur cette terre pour nous parler des choses du ciel et aussi pour nous faire comprendre les choses de la terre. Et alors, ce que Jésus va dire à ce Nicodème, c'est magnifique parce que, vous voyez, il montre déjà ici, dans cet échange nocturne, vous savez que ça se passe la nuit, cet échange, avec ce Nicodème. Nicodème qu'on retrouvera d'ailleurs au pied de la croix, et à la fin, après la mort de Jésus, qui va s'occuper du corps de Jésus avec Joseph d'Arimathie. Ce Nicodème, donc Jésus est avec lui, et cette nuit-là, il discute, il parle. Nicodème pose des questions. Toi, tu as l'air, effectivement, nul ne peut faire ce que tu fais, dire ce que tu dis, s'il n'est pas envoyé de Dieu. Donc il est intéressé par ce Jésus. Il a le cœur vraiment ouvert à la vérité. Alors Jésus, il va s'en détourer. Dans cet échange, il va livrer son destin. Vous voyez, il dit les choses très clairement. Il lui dit que voilà, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Vous voyez, il livre déjà son destin. Son destin, c'est cette mort sur la croix. Il va être levé, élevé de terre. Vous savez que quand on dit ça dans l'Évangile, on dit clairement, on fait référence à un événement de l'Ancien Testament qui est une préfiguration de la croix. Donc Jésus livre déjà son destin à Nicodème, 3 ans bien avant que tout ceci arrive. Donc ça montre bien que Jésus maîtrise parfaitement les événements de sa propre vie. Jésus est pleinement maître de sa propre vie. Et pourquoi ? Il le dit très clairement. En gros, il vient du ciel. Il vient du ciel, donc il est de l'esprit. Il vient de l'esprit. Et ça, c'est la clé. Vous voyez, quand Jésus dit... Il faut que vous renaissiez, il faut absolument pour entrer dans la vie éternelle, renaître de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans les vues célestes pour comprendre, pour saisir véritablement qui je suis et pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Alors là, c'est très important, frères et sœurs, parce que bien souvent, vous savez, on dit il faut baptiser les enfants, c'est très bien, c'était vrai, il faut absolument les baptiser, c'est absolument nécessaire pour leur salut. Et l'Église le rappelle sans cesse, sans cesse. Mais attention, parce que bien souvent, on se trompe sur ce que le baptême donne. Vous voyez, on dit il faut baptiser, alors on fait le rite du baptême. Qui est efficace, qui agit, ça c'est sûr. Mais attention, il ne faut pas oublier les deux aspects du baptême. Il y a la renaissance de l'eau, qui est vraiment une renaissance, mais cette renaissance de l'eau doit aller avec la renaissance de l'esprit. Donc si on donne le baptême juste un petit coup d'eau, comme ça, sans penser que derrière et dedans, il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer, l'esprit de l'homme doit s'unir à l'esprit de Dieu, on se trompe. Et ça se réalise par le mystère de la croix de Jésus. Être baptisé, c'est recevoir, grâce à ce sacrement, à ce signe de l'eau posée sur l'enfant ou sur l'adulte, sur n'importe quel homme, même à la veille de sa mort si on veut, ce signe de l'eau, recevoir une union dans l'Esprit Saint à ce Jésus mort et ressuscité pour nous. Et il faut vraiment que, eh bien, on rappelle ça, qu'on se rappelle toujours de ça, aussi pour nous-mêmes. Voyez, très bien, on a reçu ce baptême de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait du baptême de l'Esprit ? Est-ce qu'on cherche vraiment à recevoir cet Esprit de Jésus ? Cet Esprit qui, eh bien, d'une certaine manière, nous fait passer nous aussi par la croix avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des renoncements dans notre vie qui nous font accepter, accéder à une vie supérieure. Il y a des morts qui doivent se vivre dans notre vie pour que la vie gagne, pour que l'Esprit de Dieu saisisse notre âme, qu'il la transforme complètement. Et ceci, frères et sœurs, est prophétisé depuis toujours. C'est pour ça que Jésus est très étonné de voir que Nicodème ne sait pas, lui qui est maître en Israël, qui est docteur de la loi, qui est pharisien, qui est grand prêtre peut-être. Voyez, il lui demande, mais alors toi qui es maître en Israël, tu ne sais pas ces choses-là. Il est très étonné de voir à quel point, eh bien finalement, même si on écoute la parole de Dieu, on peut parfois complètement passer à côté de la vérité. Voyez, tout ça n'est pas seulement affaire de rites, même si les rites sont absolument nécessaires et importants. Il faut que nous entrions pleinement, nous-mêmes déjà qui sommes baptisés, dans cette vie de l'Esprit. Et alors nous pourrons la transmettre, et pas seulement transmettre les traditions qui sont très belles et très porteuses et qui sont puissantes et par lesquelles Dieu agit, c'est vrai. Et il faut baptiser largement, il faut y aller. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il y a la renaissance de l'Esprit. Et c'est ça que Jésus veut nous rappeler, veut dire à Nicodème et nous rappeler ce matin. Nous sommes des maîtres en Israël peut-être, nous sommes de bons catholiques, mais parfois, voyez, nous vivons de l'ancien esprit. Alors nous avons nos habitudes qui sont très belles, nous venons à la messe, nous communions, mais est-ce que nous cherchons vraiment à revivre de l'Esprit Saint ? Est-ce que nous cherchons vraiment à rentrer dans cette vie de Jésus, qui est une vie de renoncement certes, qui permet d'accéder à la vie éternelle ? Alors demandons cette grâce au Seigneur, demandons que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer aujourd'hui plus pleinement, alors que nous sommes dans la grâce de Pâques, dans cette vie de l'Esprit, cette vie qui permet de vivre d'en haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.